Second chapitre. Voilà bien longtemps que j'ai envie d'écrire sur Van Gogh, et je le ferai certainement un beau jour que je serai en train. Pour le moment, je vais raconter à son sujet, ou pour mieux dire à notre sujet, certaines choses aptes à faire cesser une erreur qui a circulé dans certains cercles. Le hasard, sûrement, a fait que, durant mon existence, plusieurs hommes qui m'ont fréquenté et discuté avec moi sont devenus fous. Les deux frères Van Gogh sont dans ce cas, et quelques-uns mal intentionnés, d'autres avec naïveté, m'ont attribué leur folie. Certainement, quelques-uns peuvent avoir plus ou moins d'ascendant sur leurs amis, mais de là à provoquer la folie, il y a loin. Bien longtemps après la catastrophe, Vincent m'écrivit de la maison de santé où on le soignait. Il me disait « Que vous êtes heureux d'être à Paris. C'est encore là où se trouvent les sommités et certainement vous devriez consulter un spécialiste pour vous guérir de la folie. Ne le sommes-nous pas tous ?» Le conseil était bon, c'est pourquoi je ne l'ai pas suivi, par contradiction sans doute. Les lecteurs du Mercure ont pu voir dans une lettre de Vincent, publiée il y a quelques années, l'insistance qu'il mettait à me faire venir à Arles pour fonder à son idée un atelier dont je serais le directeur. Je travaillais en ce temps à Pont-Aven en Bretagne, et soit que mes études commencées m'attachaient à cet endroit, soit que par un vague instinct je prévoyais un quelque chose d'anormal, je résistais longtemps, jusqu'au jour où, vaincu par les élans sincères d'amitié de Vincent, je me mis en route. J'arrivais à Arles fin de nuit et j'attendis le petit jour dans un café de nuit. Le patron me regarda et s'écria « C'est vous le copain, je vous reconnais !» Un portrait de moi que j'avais envoyé à Vincent est suffisant pour expliquer l'exclamation de ce patron. Lui faisant voir mon portrait, Vincent lui avait expliqué que c'était un copain qui devait venir prochainement. Ni trop tôt ni trop tard, j'allais réveiller Vincent. La journée fut consacrée à mon installation, à beaucoup de bavardages, à de la promenade pour être à même d'admirer les beautés d'Arles et des Arlésiennes, dont, entre parenthèses, je n'ai pu me décider à être enthousiaste. Dès le lendemain, nous étions à l'ouvrage, lui en continuation et moi à nouveau. Il faut vous dire que je n'ai jamais eu les facilités cérébrales que les autres sans tourment trouvent au bout de leur pinceau. Ceux-là débarquent du chemin de fer, prennent leur palette et, en un rien de temps, vous campent un effet de soleil. Quand c'est sec, cela va au Luxembourg et c'est signé Carolus Duran. Je n'admire pas le tableau, mais j'admire l'homme, lui si sûr, si tranquille. Moi si incertain, si inquiet. Dans chaque pays, il me faut une période d'incubation, apprendre chaque fois l'essence des plantes, des arbres, de toute la nature enfin, si variée et si capricieuse, ne voulant jamais se faire deviner et se livrer. Je restais donc quelques semaines avant de saisir clairement la saveur âpre d'Arles et ses environs. N'empêche qu'on travaillait ferme, surtout Vincent. Entre deux êtres, lui et moi, l'un tout volcan et l'autre bouillant aussi, mais en dedans, il y avait en quelque sorte une lutte qui se préparait. Tout d'abord, je trouvais en tout et pour tout un désordre qui me choquait. La boîte de couleurs suffisait à peine à contenir tous ces tubes pressés, jamais refermés, et malgré tout ce désordre, tout ce gâchis, un tout rutilait sur la toile, dans ses paroles aussi. Daudet, de Goncourt, la Bible brûlait ce cerveau de Hollandais. À Arles, les quais, les ponts et les bateaux, tout le midi devenait pour lui la Hollande. Il oubliait même d'écrire le Hollandais, et comme on a pu voir par la publication de ses lettres à son frère, il n'écrivait jamais qu'en français, et cela admirablement avec des temps que temps à n'en plus finir. Malgré tous mes efforts pour débrouiller dans ce cerveau désordonné une raison logique dans ses opinions critiques, je n'ai pu m'expliquer tout ce qu'il y avait de contradictoire entre sa peinture et ses opinions. Ainsi, par exemple, il avait une admiration sans bornes pour Meissonnier et une haine profonde pour Ingres. Degas faisait son désespoir, et Cézanne n'était qu'un fumiste. Songeant à Monticelli, il pleurait. Une de ses colères, c'était d'être forcé de me reconnaître une grande intelligence, tandis que j'avais le front trop petit, signe d'imbécilité. Au milieu de tout cela, une grande tendresse, ou plutôt un altruisme d'évangile. Dès le premier mois, je vis nos finances en commun prendre les mêmes allures de désordre. Comment faire ? La situation était délicate, la caisse étant remplie modestement par son frère employé dans la maison Goupil, pour ma part en combinaison d'échange, en tableau. Parler, il le fallait, et se heurter contre une susceptibilité très grande. Ce n'est donc avec beaucoup de précautions et bien des manières câlines, peu compatibles avec mon caractère, que j'abordais la question. Il faut l'avouer, je réussis beaucoup plus facilement que je ne l'avais supposé. Dans une boîte, tant pour promenades nocturnes et hygiéniques, tant pour le tabac, tant aussi pour dépenses impromptues, y compris le loyer. Sur tout cela, un morceau de papier et un crayon pour inscrire honnêtement ce que chacun prenait dans cette caisse. Dans une autre boîte, le restant de la somme divisé en quatre parties pour la dépense de nourriture chaque semaine. Notre petit restaurant fut supprimé et un petit fourneau à gaz aidant, je fis la cuisine tandis que Vincent faisait les provisions sans aller bien loin de la maison. Une fois pourtant, Vincent voulut faire une soupe, mais je ne sais comment il fit ses mélanges, sans doute comme les couleurs sur ses tableaux. Toujours est-il que nous ne pûmes la manger, et mon Vincent de rire en s'écriant « Tarascon, la casquette au père Daudet !» Sur le mur, avec de la craie, il écrivit « Je suis Saint-Esprit, je suis Saint-Esprit. » Combien de temps sommes-nous restés ensemble, je ne saurais le dire, l'ayant totalement oublié. Malgré la rapidité avec laquelle la catastrophe arriva, malgré la fièvre de travail qui m'avait gagné, tout ce temps me parut un siècle. Sans que le public s'en doute, deux hommes ont fait là un travail colossal, utile à tous deux. Peut-être à d'autres, certaines choses portent leurs fruits. Vincent, au moment où je suis arrivé à Arles, était en plein dans l'école néo-impressionniste, et il pataugeait considérablement, ce qui le faisait souffrir. Non point que cette école, comme toutes les écoles, soit mauvaise, mais parce qu'elle ne correspondait pas à sa nature, si peu patiente et si indépendante. Avec tous ces jaunes sur violet, tout ce travail de complémentaire, travail désordonné de sa part, il n'arrivait qu'à de douces harmonies incomplètes et monotones. Le son du clairon y manquait. J'entrepris la tâche de l'éclairer, ce qui me fut facile, car je trouvais un terrain riche et fécond. Comme toutes les natures originales et marquées au sceau de la personnalité, Vincent n'avait aucune crainte du voisin et aucun entêtement. Dès ce jour, mon Van Gogh fit des progrès étonnants. Il semblait entrevoir tout ce qui était en lui, et de là toute cette série de soleil sur soleil en plein soleil. Avez-vous vu le portrait du poète? La figure et les cheveux jaunes de chrome, le vêtement jaune de chrome 2, la cravate jaune de chrome 3 avec une épingle émeraude vert émeraude sur un fond jaune de chrome 4. C'est ce que me disait un peintre italien et il ajoutait « Marde, marde, tout est jaune, je ne sais plus ce que c'est que la peinture. » Il serait oiseux ici d'entrer dans des détails de technique. Ceci dit, pour vous informer que Van Gogh, sans perdre un pouce de son originalité, a trouvé de moi un enseignement fécond. Et chaque jour, il m'en était reconnaissant. Et c'est ce qu'il veut dire quand il écrit à M. Aurier qu'il doit beaucoup à Paul Gauguin. Quand je suis arrivé à Arles, Vincent se cherchait, tandis que moi, beaucoup plus vieux, j'étais un homme fait. À Vincent, je dois quelque chose. C'est avec la conscience de lui avoir été utile, l'affermissement de mes idées picturales antérieures, puis dans les moments difficiles, me souvenir qu'on trouve plus malheureux que soi. Quand je lis ce passage, le dessin de Gauguin rappelle un peu celui de Van Gogh, je souris. Dans les derniers temps de mon séjour, Vincent devint excessivement brusque et bruyant, puis silencieux. Quelques soirs, je surpris Vincent qui, levé, s'approchait de mon lit. À quoi attribuer mon réveil à ce moment? Toujours est-il qu'il suffisait de lui dire très gravement « Qu'avez-vous, Vincent ?» pour que, sans mot dire, il se remit au lit pour dormir d'un sommeil de plomb. J'eus l'idée de faire son portrait en train de peindre la nature morte qu'il aimait tant des tournesols. Et le portrait terminé, il me dit « C'est bien moi, mais moi devenu fou. » Le soir même, nous allâmes au café. Il prit une légère absinthe. Soudainement, il me jeta à la tête son verre et le contenu. J'évitai le coup, et le prenant à bras le corps, je sortis du café, traversai la place Victor Hugo, et quelques minutes après, Vincent se trouvait sur son lit, où, en quelques secondes, il s'endormit pour ne se réveiller que le matin. À son réveil très calme, il me dit « Mon cher Gauguin, j'ai un vague souvenir que je vous ai offensé hier soir. R, je vous pardonne volontiers et d'un grand cœur, mais la scène d'hier pourrait se produire à nouveau, et si j'étais frappé, je pourrais ne pas être maître de moi et vous étrangler. Permettez-moi donc d'écrire à votre frère pour lui annoncer ma rentrée. » Quelle journée, mon Dieu! Le soir arrivé, j'avais ébauché mon dîner et j'éprouvais le besoin d'aller seul prendre l'air aux senteurs des lauriers en fleurs. J'avais déjà traversé presque entièrement la place Victor Hugo lorsque j'entendis derrière moi un petit pas bien connu, rapide et saccadé. Je me retournai au moment même où Vincent se précipitait sur moi, un rasoir ouvert à la main. Mon regard dut à ce moment être bien puissant, car il s'arrêta, et baissant la tête, il reprit en courant le chemin de la maison. Ai-je été lâche en ce moment, et n'aurais-je pas dû le désarmer et chercher à l'apaiser? Souvent j'ai interrogé ma conscience, et je ne me suis fait aucun reproche. Me jette la pierre qui voudra. D'une seule traite, je fus à un bon hôtel d'Arles, où, après avoir demandé l'heure, je retins une chambre et je me couchai. Très agité, je ne pus m'endormir que vers 3 heures du matin, et je me réveillai assez tard, vers 7h30. En arrivant sur la place, je vis rassembler une grande foule. Près de notre maison, des gendarmes, et un petit monsieur au chapeau melon qui était le commissaire de police. Voici ce qui s'était passé. Van Gogh rentra à la maison et immédiatement se coupa l'oreille jusqu'au ras de la tête. Il dut mettre un certain temps à arrêter la force de l'hémorragie, car le lendemain de nombreuses serviettes mouillées s'étalaient sur les dalles des deux pièces du bas. Le sang avait sali les deux pièces et le petit escalier qui montait à notre chambre à coucher. Lorsqu'il fut en état de sortir, la tête enveloppée d'un béret basque tout à fait enfoncé, il alla tout droit dans une maison où, à défaut de payse, on trouve une connaissance, et donna au factionnaire son oreille bien nettoyée et enfermée dans une enveloppe. « Voici, dit-il, en souvenir de moi. » Puis s'enfuit et rentra chez lui où il se coucha et s'endormit. Il eut le soin toutefois de fermer les volets et de mettre sur une table près de la fenêtre une lampe allumée. 10 minutes après, toute la rue accordée aux filles de joie était en mouvement et on jasait sur l'événement. J'étais loin de me douter de tout cela lorsque je me présentais sur le seuil de notre maison. Et lorsque le monsieur au chapeau melon me dit à brûle-pourpoint d'un ton plus que sévère « Qu'avez-vous fait, monsieur, de votre camarade ?»« Je ne sais que si, vous le savez bien, il est mort. » Je ne souhaite à personne un pareil moment, et il me fallut quelques longues minutes pour être apte à penser et comprimer les battements de mon cœur. La colère, l'indignation, la douleur aussi, et la honte de tous ces regards qui déchiraient toute ma personne, m'étouffaient, et c'est en balbutiant que je dis « C'est bien, monsieur, montons et nous nous expliquerons là-haut ». Dans le lit, Vincent gisait complètement enveloppé par les draps, blotti en chien de fusil. Il semblait inanimé. Doucement, bien doucement, je tâtais le corps dont la chaleur annonçait la vie, assurément. Ce fut pour moi comme une reprise de toute mon intelligence et de mon énergie. Presque à voix basse, je dis au commissaire de police « Veuillez, monsieur, réveiller cet homme avec beaucoup de ménagement, et s'il demande après moi, dites-lui que je suis parti pour Paris. Ma vue pourrait peut-être lui être funeste. » Je dois avouer qu'à partir de ce moment, ce commissaire de police fut aussi convenable que possible, et intelligemment, il envoya chercher un médecin et une voiture. Une fois réveillé, Vincent demanda après son camarade, sa pipe et son tabac, songea même à demander la boîte qui était en bas et contenait notre argent. Un soupçon, sans doute, qui m'effleura étant déjà armé contre toute souffrance. Vincent fut conduit à l'hôpital où, aussitôt arrivé, son cerveau recommença à battre la campagne. Tout le reste, on le sait dans le monde que cela peut intéresser, et il serait inutile d'en parler si ce n'est cette extrême souffrance d'un homme qui, soigné dans une maison de fous, s'est vu par intervalles mensuels reprendre la raison suffisamment pour comprendre son état et peindre avec rage les tableaux admirables qu'on connaît. La dernière lettre que j'ai eue était datée d'Auvers, près Pontoise. Il me disait qu'il avait espéré guérir assez pour venir me retrouver en Bretagne, mais qu'aujourd'hui il était obligé de reconnaître l'impossibilité d'une guérison. Cher maître, la seule fois qu'il ait prononcé ce mot, il est plus digne, après vous avoir connu et vous avoir fait de la peine, de mourir en bon état d'esprit qu'en état qui dégrade. Et il se tira un coup de pistolet dans le ventre, et ce ne fut que quelques heures après, couché dans son lit et fumant sa pipe, qu'il mourut, ayant toute sa lucidité d'esprit, avec amour pour son art et sans haine des autres. Dans Les Monstres, Jean Dolan écrit, quand Gauguin dit « Vincent », sa voix est douce. Ne le sachant pas, mais l'ayant deviné, Jean Dolan a raison. On sait pourquoi. Notes éparses, sans suite, comme les rêves, comme la vie, toutes faites de morceaux. Et de ce fait que plusieurs y collaborent, l'amour des belles choses aperçues dans la maison du prochain. Choses parfois enfantines, écrites, tant de délassements personnels, tant de classements d'idées aimées, quoique peut-être folles, en défiance de mauvaises mémoires, et tout de rayon jusqu'au centre vital de mon art. Or, si œuvre d'art était œuvre de hasard, toutes ces notes seraient inutiles. J'estime que la pensée qui a pu guider mon œuvre ou une œuvre partielle est liée très mystérieusement à mille autres, soit mienne, soit entendue d'autres. Quelques jours d'imagination vagabonde, je me remémore longues études, souvent stériles, plus encore troublante, un nuage noir vient obscurcir l'horizon, la confusion se fait en mon âme et je ne saurais faire un choix. Si donc, à d'autres heures de plein soleil, l'esprit lucide, je me suis attaché à tel fait, telle vision, telle lecture, ne faut-il pas en mince recueil prendre souvenance? Quelquefois je me suis reculé bien loin, plus loin que les chevaux du Panthéon, jusqu'au dada de mon enfance, le bon cheval de bois. Je me suis attardé aux nymphes de coraux dansant dans les bois sacrés de ville d'Avray. Ceci n'est pas un livre. J'ai un coq aux ailes pourpres, au cou d'or, à la queue noire. Dieu qu'il est beau, et il m'amuse. J'ai une poule grise argentée, au plumage hérissé. Elle gratte, elle picote, elle abîme mes fleurs. Ça ne fait rien, elle est drôle sans être bégueule. Le coq lui fait signe des ailes et des pattes, et aussitôt elle offre son croupion. Lentement, vigoureusement aussi, il monte dessus. Ah, c'est bientôt fait. Est-ce donc de la chance? Je ne sais. Les enfants rient, je ris. Mon Dieu, que c'est bête! Quelle disette! Rien n'a boulotté. Si je mangeais le coq, et j'ai faim. Il serait trop dur. La poule alors? Mais je ne m'amuserais plus à voir mon coq aux ailes pourpres, au cou d'or, à la queue noire, monter sur la poule. Les enfants ne riraient plus. J'ai toujours faim. Le déluge. Jadis, la mère irritée monta aux cimes élevées, et maintenant, la mère apaisée lèche les rochers. Autrement dit, vois-tu, ma fille, autrefois on montait, aujourd'hui on descend. On descend en sachant s'élever. Vous vous devez à la société? Combien? Que me doit la société? Beaucoup trop. Paiera-t-elle? Jamais. Liberté, égalité, fraternité. Sur la véranda, douce sieste, tout repose. Mes yeux voient sans comprendre l'espace devant moi, et j'ai la sensation du sans fin dont je suis le commencement. Moréa à l'horizon. Le soleil s'en approche. Je suis sa marche dolente, sans comprendre. J'ai la sensation d'un mouvement désormais perpétuel, une vie générale qui jamais ne s'éteindra. Et voilà la nuit. Tout repose. Mes yeux se ferment pour voir sans comprendre le rêve dans l'espace infini qui fuit devant moi. Et j'ai la sensation douce de la marche dolente de mes espérances. On mange, une longue table, de chaque côté s'alignent les assiettes, les verres. Ainsi alignés, ces verres, ces assiettes, par la perspective rendent cette table longue, très longue. C'est d'ailleurs un banquet. Stéphane Mallarmé préside, en face Jean Moréa symboliste. Les convives sont symbolistes, peut-être aussi les larbins. Là-bas, très loin, au bout Clovis Hugues, Marseille, là-bas aussi, à l'autre bout, Barès, Paris. On mange, des toasts, le président commence, Moréas répond. Clovis Hugues, sanguin, chevelu, exubérant, en vert naturellement, parle longuement. Barès, mince et long, glabre, sèchement en prose, cite Baudelaire. On écoute. Le marbre se glace. Mon voisin, tout jeune, mais gras, superbe bouton de diamant étincelant sur la chemise à mille plis, m'interroge tout bas. Est-ce que M. Baudelaire est parmi nous à ce banquet? Je me gratte le genou et je réponds, oui, il est ici, là-bas, parmi les poètes. Du reste, Barès en parle. Lui, oh, je voudrais bien lui être présenté. Dans un ordre d'idées quelconque, un saint quelconque dit à une de ses pénitentes, « Défiez-vous de l'orgueil de l'humilité. » Lettre de Strindberg. Vous tenez absolument à avoir la préface de votre catalogue écrite par moi en souvenir de l'hiver 1894-95, que nous vivons ici derrière l'Institut, pas loin du Panthéon, surtout près du cimetière Montparnasse. Je vous aurais volontiers donné ce souvenir à emporter dans cette île d'Océanie, où vous allez chercher un décor en harmonie avec votre stature puissante et de l'espace, mais je me sens dans une situation équivoque dès le commencement, et je réponds tout de suite à votre requête par un « je ne peux pas » ou plus brutalement par un « je ne veux pas ». Du même coup, je vous dois une explication à mon refus qui ne vient pas d'un manque de complaisance, d'une paresse de la plume, quoique il m'eût été facile d'en rejeter la faute sur la maladie de mes mains, laquelle d'ailleurs n'a pas encore laissé au poil le temps de pousser dans la paume. Voici, je ne peux pas saisir votre art et je ne peux pas l'aimer. Je n'ai aucune prise sur votre art, cette fois exclusivement haïtien. Mais je sais que cet aveu ne vous étonnera ni ne vous blessera, car vous me semblez surtout fortifié par la haine des autres. Votre personnalité se complaît dans l'antipathie qu'elle suscite, soucieuse de rester intacte. Et avec raison, peut-être. Car de l'instant où, approuvé et admiré, vous auriez des partisans, on vous rangerait, on vous classerait, on donnerait à votre art un nom dont les jeunes avant 5 ans se serviraient comme d'un sobriquet désignant un art suranné qu'il ferait tout pour vieillir davantage. J'ai tenté moi-même de sérieux efforts pour vous classer, pour vous introduire comme un chaînon dans la chaîne, pour amener à la connaissance de l'histoire de votre développement, mais en vain. Je me souviens de mon premier séjour à Paris en 1876. La ville était triste, car la nation portait le deuil des événements accomplis et avait l'inquiétude de l'avenir. Quelque chose fermentait. Dans les cercles suédois d'artistes, on n'avait pas encore entendu le nom de Zola, car l'Assommoir n'était pas publié. J'assistais à la représentation au Théâtre français de Rome vaincue, où Madame Sarah Bernard, la nouvelle étoile, était couronnée une seconde Rachel, et mes jeunes artistes m'avaient entraîné chez Durand-Ruel voir quelque chose de tout à fait neuf en peinture. Un jeune peintre, alors inconnu, me conduisait, et nous vîmes des toiles très merveilleuses, signées principalement Manet et Monet. Mais comme j'avais autre chose à faire à Paris que de regarder des tableaux, je devais, en qualité de secrétaire de la bibliothèque de Stockholm, rechercher un vieux missel suédois à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je regardais cette nouvelle peinture avec indifférence calme. Mais le lendemain, je revins sans trop savoir comment, et je découvris quelque chose dans ces bizarres manifestations. Je vis le grouillement de la foule sur un embarcadère, mais je ne vis pas la foule même. Je vis la course d'un train rapide dans un paysage normand, le mouvement des roues dans la rue, d'affreux portraits de personnes toutes laides qui n'avaient pu poser tranquillement. Saisi par ces toiles extraordinaires, j'envoyais à un journal de mon pays une correspondance dans laquelle j'avais essayé de traduire les sensations que je croyais que les impressionnistes avaient voulu rendre, et mon article eut un certain succès comme une chose incompréhensible. Lorsqu'en 1883 je revins pour la deuxième fois à Paris, Manet était mort, mais son esprit vivait dans toute une école qui luttait pour l'hégémonie avec Bastien Lepage. À mon troisième séjour à Paris, en 1885, je vis l'exposition de Manet. Ce mouvement s'était alors imposé. Il avait produit son effet et maintenant il était classé. À l'exposition triennale, même année, anarchie complète. Tous les styles, toutes les couleurs, tous les sujets. Historique, mythologique et naturaliste. On ne voulait plus entendre parler d'école ni de tendance. Liberté était maintenant le mot de ralliement. Taine avait dit que le beau n'était pas le joli, et Zola que l'art était une parcelle de nature vue à travers un tempérament. Cependant, au milieu des derniers spasmes du naturalisme, un nom était prononcé par tous avec admiration, celui de Puvis de Chavannes. Il était là, tout seul, comme une contradiction, peignant d'une âme croyante, tout en tenant légèrement compte du goût de ses contemporains pour l'allusion. On ne possédait pas encore le terme de symbolisme, une appellation bien malheureuse pour une chose si vieille, l'allégorie. C'est vers Puvis de Chavannes qu'allaient hier soir mes pensées, quand aux sons méridionaux de la mandoline et de la guitare, je vis sur les murs de votre atelier ce tohu-bohu de tableaux ensoleillés qui m'ont poursuivi cette nuit dans mon sommeil. J'ai vu des arbres que ne retrouverait aucun botaniste, des animaux que Cuvier n'a jamais soupçonnés et des hommes que vous seul avez pu créer. Une mer qui coulerait d'un volcan, un ciel dans lequel ne peut habiter un dieu. Monsieur, disais-je dans mon rêve, vous avez créé une nouvelle terre et un nouveau ciel, mais je ne me plais au milieu de votre création. Elle est trop ensoleillée pour moi qui aime le clair-obscur, et dans votre paradis habite une Ève qui n'est pas mon idéal, car j'ai vraiment, moi aussi, un idéal de femme ou deux. Ce matin, je suis allé visiter le musée du Luxembourg pour jeter un regard sur Chavannes qui me revenait toujours à l'esprit. J'ai contemplé avec une sympathie profonde le pauvre pêcheur, si attentivement occupé à guetter la proie qui lui vaudra l'amour fidèle de son épouse cueillant des fleurs et de son enfant paresseux. Cela est beau. Mais voilà que je me heurte à la couronne d'épines, monsieur. Je les hais, entendez-vous bien? Je ne veux point de ce dieu pitoyable qui accepte les coups. Mon dieu, plutôt alors, le Vistliputzli qui, au soleil, mange le cœur des hommes. Non, Gauguin n'est pas formé de la côte de Chavannes, non plus de celle de Manet ni de Bastien-Lepage. Qu'est-il donc? Il est Gauguin, le sauvage qui y est une civilisation gênante, quelque chose du titan qui, jaloux du créateur, à ses moments perdus, fait sa petite création. L'enfant qui démonte ses joujoux pour en refaire d'autres, celui qui renie et qui brave, préférant voir rouge le ciel que bleu avec la foule. Il semble, ma foi, que depuis que je me suis échauffée en écrivant, je commence à avoir une certaine compréhension de l'art de Gauguin. On a reproché à un auteur moderne de ne pas dépeindre des êtres réels, mais de construire tout simplement lui-même ses personnages, tout simplement. Bon voyage, maître, seulement revenez-nous et revenez me trouver. J'aurai peut-être alors appris à mieux comprendre votre art, ce qui me permettra de faire une vraie préface pour un nouveau catalogue dans un nouvel hôtel Drouot, car je commence aussi à sentir un besoin immense de devenir sauvage et de créer un monde nouveau. Auguste Strindberg. Par Achille de la Roche, d'un point de vue esthétique à propos du peintre Paul Gauguin. Il ne me siérait d'étudier sous le rapport technique la peinture de Paul Gauguin, cette affaire au peintre, ses émules. Mais outre que souvent fois l'artiste est moins impartialement apprécié de ses pairs que d'un étranger, il y aurait un intérêt, ce me semble, à s'entendre entre ouvriers d'art voisins sur les grandes lignes d'une esthétique générale. Et ceci n'est point par dilettantisme. J'édifierais donc cette simple causerie sur des assises imaginaires, certes, de telles visions de couleurs et de dessins idéalement surgies, mais aussi en tant que signes éminents d'une méthode nous intéressant tous, rêveurs ou artistes. Il est hors de doute aujourd'hui que les divers arts, peinture, poésie, musique, après avoir suivi séparément des routes longtemps glorieuses, pris d'un soudain malaise qui fait éclater leur morne séculaire désormais trop étroit, tendent, comme pour mélanger leurs flots en un lit primitif commun élargi, à déborder sur les territoires prochains. Sur les ruines de vénérables édifices et de leurs synthèses dont un monde esthétique se lève, inouï, paradoxal, sans règles définies, sans classification, aux frontières flottantes et imprécises, mais riches, intenses, puissants, d'autant qu'il est sans limite, idoine à émouvoir jusqu'aux fibres les plus mystérieuses de l'être humain. Les gardiens stricts du temple, perdus en ce cataclysme et impuissants à utiliser les petites étiquettes qu'ils aimaient coller sur le dos de chaque manifestation intellectuelle, s'en affligent. Mais qu'y faire? Mesure-t-on la vague et définit-on la tempête? D'aucuns, croyant l'enrayer, mais qui témoignèrent ainsi de peu d'aptitude à se spiritualiser, essayèrent quelques airs de flûte bien pauvres et puérils, car le ridicule n'a que faire en art. Au reste, les artistes n'eurent point à s'en plaindre. On ne raille que l'effort. Le reste inspire plutôt la pitié. D'autres invoquèrent lamentablement l'esprit gaulois, les races latines, l'éducation grecque, etc., qui n'étaient pas en cause et pensèrent avoir démontré par A plus B l'illégitimité et l'avortement final de cette évolution. Cependant, les réponses leur arrivaient de tous côtés, irréfragables, par le lyrisme musical de Wagner et de son école, par les poèmes des écrivains symbolistes, par les toiles pleines de merveilleux des peintres récents. Entre ceux-ci, une place très haute et bien à part doit être faite à Paul Gauguin, non seulement pour la priorité, mais pour la nouveauté de son art. Ce fut en les enchantements d'une féerie de lumière que l'on marchait lors de la récente exposition où il nous convia. Lumière si intensément éblouissante qu'il semble impossible au sortir de regarder autrement que comme pénombre antithétique l'étoile de nos imagiers habituels. Gauguin est le peintre des natures primitives. Il en aime et possède la simplicité, l'hiératisme suggestif, la naïveté un peu gauche et anguleuse. Ses personnages participent de la spontanéité inapprêtée des flores vierges. Il était donc logique qu'il exaltât pour notre fête visuelle les richesses de ces végétations tropicales où luxurie sous des astres heureux une vie édénique et libre, traduite ici avec une prestigieuse magie de couleurs sans pourtant aucun ornement inutile, ni redondance, ni italianisme. C'est sobre, grandiose, imposant. Et comme elle écrase la vanité de nos fades élégances, de nos agitations puériles, la sérénité de ces naturels. Tout le mystère des infinis est en marche en la perversité naïve de leurs yeux ouverts sur la nouveauté des choses. Qu'il y ait en ces peintures exacte reproduction au nom de la réalité exotique, peu me chaud. Gauguin se servit de ce cadre inouï pour y localiser son rêve, et quel plus favorable décor impollué encore par nos mensonges de civilisés. Mais de ces figures humaines, de ces flores ardentes, l'irréel et le merveilleux se dégagent aussi bien et mieux que des chimères ou attributs mythologiques que de tels autres. Il fut de mode, alors, de se pâmer de rire au scandale de ces anatomies, vraiment par trop simiesques et si peu vivantes. Devant ces paysages verticaux qui ne s'aèrent pas de suffisantes perspectives, pouvait-on déformer ainsi la nature? Et l'on invoqua à plaisir l'habituelle rythmie de la plastique grecque, de la peinture italienne. Mais outre qu'il serait facile de rappeler l'art égyptien, le japonais, le gothique, qui tinrent peu de compte de ces lois soi-disant imprescriptibles, l'école hollandaise en pleine floraison du classique démontra, certes, que le lait aussi saurait être esthétique. Il conviendrait donc de laisser à la porte les préjugés de nos académies avec leurs lignes convenues, leurs décors clichés, leur rhétorique de torse, si l'on veut apprécier justement cet art étrange. Tant que l'art plastique, d'accord en cela avec l'art littéraire et la métaphysique, se cantonne en son domaine strict de définition formelle et objective, immémorialiser les traits du héros ou du bourgeois, illustrer tel paysage, rendre sensibles et distinctes les forces naturelles ou supérieures, cela fut bien, et ne pouvait être que par un ensemble de lignes préconçues traduisant cette catégorie d'idéal. Nous eûmes alors les discoboles, les Vénus génitrix, les Apollons aux gestes harmonieux, les Madones de Raphaël, etc., qui peuplent nos musées et que déshonorent les incohérentes dissertations des professeurs en esthétique. Mais aujourd'hui qu'une vie plus subtile de la pensée a pénétré les diverses manifestations créatrices, le point de vue anecdotique et spécial cède la place au significatif et au général. Un torse gracieux, un pur visage, un paysage pittoresque nous apparaissent comme les efflorescences magnifiques et multiformes d'une même force inconnue et indéfinissable en elle-même, mais dont le sentiment s'affirme irrésistiblement à notre conscience. L'artiste nous intéressera donc par une vision tyranniquement imposée et circonscrite, si harmonieuse soit-elle, par sa vertu suggestive, propre à aider l'essor imaginatif, ou comme décorateur de notre rêve, ouvrant une porte nouvelle sur l'infini et le mystère. Gauguin, mieux que tout autre jusqu'ici, nous paraît avoir compris ce rôle du décor suggestif. Il procède éminemment par raccourci de traits, par synthèse d'impressions. Chacun de ses tableaux est une idée générale sans que, pourtant, n'y soit observé assez de réalité formelle pour solliciter la vraisemblance. Et en nulle œuvre d'art ne s'extériorise mieux la concordance constante de l'état d'âme et du paysage si lumineusement formulé par Baudelaire. S'il nous représente la jalousie, c'est par un incendie de rose et de violet où la nature entière semblait participer comme être conscient et tacite. Si l'eau mystérieuse jaillit pour des lèvres altérées d'inconnus, ce sera dans un cirque aux teintes étranges, tels les flots d'un breuvage diabolique ou divin, on ne saurait. Ailleurs, un irréel verger offre ses flores insidieuses au désir d'une Ève édénique, dont le bras se tend peureusement pour cueillir la fleur du mal, tandis que susurre sur ses tempes le battement des ailes rouges de la chimère. Puis c'est la forêt luxuriante de vie et de printemps. Des passagers s'y dessinent, lointains en le calme fortuné de leur insouciance. Des paons fabuleux y font rutiler leurs plumes de saphir et d'émeraude, mais s'interpose la cognée fatale du bûcheron qui frappe les branchages, et derrière lui un mince filet de fumée s'élève, qui avertit du transitoire destin de cette fête. Là, en des paysages légendaires, se dresse, hiératique et formidable, l'idole, et le tribut des végétations rejaillit en lave de couleurs sur son front, et d'idylliques enfants chantent sur la flûte pastorale le bonheur infini des Édens, tandis qu'à leurs pieds s'apaisent, comme les génies du mal qui veillent, les héraldiques chiens rouges charmés. Plus loin, un vitrail lumineux de riches fleurs végétales et humaines, son enfant divin à l'épaule, une apparition auréolée de femme devant laquelle deux autres joignent les mains parmi les fleurs, au geste d'un séraphin d'où s'exhalent, ainsi que d'un calice miraculeux, les paroles mystiques. Flore surnaturelle qui prie, et chair qui fleurit sur le seuil indécis du conscient et de l'inconscient. Toutes ces toiles, et les autres encore, sur lesquelles même remarque peut-être instituée, dénotent assez, chez Gauguin, la corrélation intime du thème et de la forme. Mais l'harmonisation savante de couleurs, surtout, y est significative et parachève le symbole. Les tons se fondent ou s'opposent en dégradations qui chantent comme une symphonie aux chœurs multiples et variés, et jouent leur rôle vraiment orchestral. Traitée ainsi, la couleur, qui est vibration de même que la musique, atteint ce qu'il y a de plus général et, partant, de plus vague dans la nature, sa force intérieure. Il était donc logique, dans l'état actuel du sentiment esthétique, qu'elle envahit peu à peu la place du dessin, dont l'utilité suggestive passe désormais au second plan. Et ici se précise le but où tendent les divers arts et quasi le lieu de leur rencontre, édifier la cité future de la vie spirituelle dont la poésie qui est état d'âme serait le geste ordonnateur, la musique, l'atmosphère et la peinture le décor merveilleux. En effet, les essais épars tentés jusqu'ici ne signifient rien s'ils ne sont les ébauches premières et comme la divination de cette ère de construction idéale. L'humanité sent plus ou moins obscurément que son état actuel de réalité besogneuse et quotidienne n'est que transitoire. Et le craquement sourd des vieilles formes sociales est l'indice significatif de cette impatience à établir enfin, après la sécurité des instincts de nutrition, le jeu désintéressé d'une vie cérébralement sensitive. En son enfance émerveillée au mirage nouveau des choses, elle le situa, parmi les lianes inextricables de ce monde extérieur, les palais enchantés où règnent les fées. Puis vint la période d'abstraction où se formulèrent les méthodes scientifiques riches en divisions, classifications et catégories de toutes sortes. Chaque objet fut pris à part, étudié, pesé, disséqué, défini. Fier de sa dialectique, l'esprit humain en vint à la considérer en elle-même et sophistiquement à la croire, comme fit Kant, seule réelle. Mais l'illusion dura peu. Des penseurs hautains rejetèrent loin d'eux ce vain instrument, dont la stérilité est comparable à celle d'une machine qui fonctionne à vide. Les mystiques, déjà pour leur compte, ne trouvant point en cette sécheresse des syllogismes la satisfaction du sentiment, s'étaient rejetés vers l'extase comme voie plus directe de connaissance et plus sûre. Mais outre que cet état est peu accessible aux âmes vulgaires et dangereux vertige, la passivité contemplative laisse sans objet toute la part d'action qui est en nous. L'art tel qu'il est considéré aujourd'hui, l'art orphique, semble donc devenir à point pour succéder à la faveur des modes discursifs de la pensée discréditée et nous conduire à la belle conquête, lui qui attendrit les fauves et fait se mouvoir en cadence harmonieuse les môles informes. L'art en effet symbolise avec la nature étant création, et cette création équivaut à une idée, puisque créer, c'est comprendre. Il renferme donc en lui le trait d'union du conscient et de l'inconscient, d'où il est permis d'espérer que, par un processus analogue à l'intuition de Schelling, qui entrevit le vrai, se formulera une sorte d'agnosticisme esthétique magnifiant l'Olympe suprême de nos rêves dieux ou héros. Entre tous autres, la peinture est l'art qui préparera les voies en résolvant l'antinomie du monde sensible et de l'intellectuel, et en présence d'une œuvre telle que celle de Gauguin, on se prend à imaginer quelques des esseintes dont le maniaque gâteux, que nous savons collectionneur de bibelosinane, pourvoyeur d'hystérie ou artificier chinois, mais bellement intellectuel, qui de libre fantaisie édifierait la haute lisse de ses rêves. Les fresques lumineuses d'un Gauguin y figureraient le paysage mural, où chanteraient en mystère les symphonies d'un Beethoven ou d'un Schumann, tandis que les paroles sacrées des lyrismes scanderaient solennellement la légende spirituelle de l'Odyssée humaine. Achille de la Roche.